N'oubliez pas que le voyage du rêve conscient est unique à chaque individu, alors lancez-vous dans l'aventure, amusez-vous et laissez votre imagination s'envoler. En conclusion, le rêve conscient ouvre un monde de possibilités infinies et de découvertes de soi. En comprenant la science sous-jacente, en maîtrisant les techniques pour induire des rêves lucides et en profitant des avantages qu'elle offre, vous pouvez vous lancer dans un voyage transformateur au sein de votre propre esprit. En intégrant le rêve conscient dans votre vie quotidienne et en explorant des pratiques avancées, vous vous retrouverez autonome, inspiré et connecté aux profondeurs de votre subconscient. Alors, allez de l'avant et embrassez le royaume du rêve conscient, où les frontières de la réalité se dissolvent et où le pouvoir de votre imagination ne connaît pas de limites. Faites de beaux rêves. FAQ 1. Quelle est la différence entre un rêve normal et un rêve conscient? Les rêves réguliers se produisent lorsque nous sommes dans un état d'inconscience, où nous sommes des observateurs passifs du contenu du rêve. En revanche, un rêve conscient, également connu sous le nom de rêve lucide, se caractérise par une conscience accrue qui nous permet de reconnaître que nous rêvons tout en restant dans le rêve. Dans un rêve conscient, nous avons la capacité d'engager activement, de façonner et de contrôler le récit du rêve. 2. Les rêves conscients sont-ils difficiles à réaliser ? Bien que cela puisse nécessiter un peu de pratique et de patience, le rêve conscient est réalisable pour la plupart des individus. Les techniques et stratégies décrites dans cet article peuvent considérablement augmenter vos chances de vivre des rêves lucides. Avec dévouement et persévérance, vous pouvez développer les compétences nécessaires pour entrer et naviguer dans le domaine du rêve conscient. 3. Tout le monde peut-il apprendre à avoir des rêves conscients ? Oui, à quelques exceptions près, la plupart des individus ont le potentiel de vivre des rêves conscients. C'est un phénomène naturel qui peut être cultivé et raffiné grâce à diverses techniques et pratiques. Cependant, il est important de noter que tout le monde n'a pas la même fréquence ou le même niveau de contrôle sur ses rêves conscients. L'expérience de chaque personne avec le rêve conscient peut varier. 4. Existe-t-il des risques potentiels ou des effets secondaires associés au rêve conscient ? Le rêve conscient est généralement considéré comme sûr et agréable. Cependant, il est important de l'aborder avec un état d'esprit équilibré et responsable. Certaines personnes peuvent éprouver des troubles du sommeil temporaire ou une intensité de rêve accrue lors de l'exploration initiale du rêve conscient. Il est également essentiel de maintenir une bonne hygiène de sommeil et de donner la priorité au bien-être général pour assurer un équilibre sain entre la vie éveillée et les expériences de rêve. Si vous avez des inquiétudes ou des conditions de sommeil préexistantes, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé avant de vous engager activement dans des pratiques de rêve conscient. Page 28, nous allons parler du voyage astral. Page 28.